Chapitre 20e. Hommes et gentlemen. Marguerite revint chez elle si péniblement frappée de ce qu'elle avait vu et entendu, qu'elle trouva difficile de se remettre à ses occupations habituelles et de soutenir une conversation un peu animée avec sa mère, qui, depuis qu'elle ne sortait plus, s'attendait toujours à ce que Marguerite, en rentrant, lui rapportât des nouvelles. « Et votre amie de la manufacture, viendra-t-elle jeudi voir votre toilette ?» dit Mrs. Hale. « Elle était si malade que je n'ai pas même songé à le lui demander. « Mon Dieu, tout le monde est donc malade maintenant, » dit la mère de Marguerite avec un peu de cette jalousie qu'un malade ressent quelquefois au sujet d'un autre. « Mais cela doit être bien triste d'être malade dans une de ces petites ruelles, » continua-t-elle un instant après, la bonté de sa nature et les habitudes charitables d'Elstone reprenant le dessus. « C'est déjà assez triste ici. » « Que pourrions-nous faire pour elle, Marguerite ?»« Mr. Thornton m'a envoyé quelques bouteilles de son vieux vin de Porto depuis que tu es sortie. Crois-tu que cela lui ferait du bien ?»« Non, maman. Je ne crois pas qu'il soit très pauvre. Du moins, ils ne disent rien qui puisse le faire croire. Et dans tous les cas, Bessie est malade de la poitrine. Le vin ne lui serait pas bon. »« Peut-être pourrais-je lui porter un peu des confitures faites avec les fruits de notre cher Elstone. »« Mais il y a une autre famille à laquelle je voudrais donner. » « Oh, maman, maman, comment voulez-vous que je m'habille et que j'aille un grand dîner après le chagrin dont j'ai été témoin aujourd'hui ?» s'écria tout à coup Marguerite, oubliant le silence qu'elle s'était prescrit avant de rentrer. Et elle raconta à sa mère tout ce qu'elle avait vu chez Higgins. Mrs. Hale en fut extrêmement affligée. Elle fut en proie à une sorte d'irritation nerveuse, jusqu'à ce qu'elle eût pu faire quelque chose pour venir au secours de Butcher. Elle fit préparer par Marguerite, dans le salon même, un panier pour envoyer sur le champ à la pauvre famille, et elle se fâcha même contre sa fille, parce que celle-ci disait qu'on pourrait ne l'envoyer que le lendemain, puisque Higgins avait pourvu aux besoins les plus immédiats, et qu'elle-même avait donné de l'argent à Bessie. Mrs. Hale trouva que Marguerite avait le cœur bien dur, et elle ne respira librement que lorsque le panier fut hors de la maison. Alors elle dit « Après tout, nous avons peut-être eu tort. » Car la dernière fois que Mr. Thornton est venu, il a dit que ceux-là n'étaient pas des amis véritables, qui contribuaient à prolonger la lutte en assistant les coalisés. Et ce Butcher est un des ouvriers qui se sont mis en grève, n'est-ce pas ? La question fut soumise à Mr. Hale par sa femme lorsqu'il remonta près d'elle, sortant de donner à Mr. Thornton une leçon qui, comme à l'ordinaire, s'était terminée en conversation. Marguerite ne s'inquiétait guère de savoir si leur don devait prolonger ou non la grève. Dans l'état d'animation où elle était, elle ne réfléchissait pas à cela. Mr. Hale s'efforça d'écouter avec l'impartialité d'un juge. Il se rappela tout ce qui lui avait paru si clair une demi-heure auparavant, sortant des lèvres de Mr. Thornton. Mais après tout, il n'arriva qu'à un compromis très peu satisfaisant. « Non seulement, » dit-il, sa femme et sa fille avaient eu raison d'agir comme elle l'avait fait en cette circonstance, mais ils ne voyaient même pas comment elle aurait pu faire autrement. Néanmoins, comme règle générale, Mr. Thornton avait raison de dire que puisque les maîtres étaient résolus à faire venir des ouvriers étrangers si la grève se prolongeait, il était clair que ce qu'on pouvait faire de mieux, c'était de refuser aux coalisés tout secours qui les soutint dans leur folie. Mais quant à ce Butcher, Mr. Hale ajouta qu'il irait le voir le lendemain dès le matin et qu'il tâcherait de savoir ce qu'on pourrait faire pour lui. Le lendemain matin, Mr. Hale ne trouva pas Butcher chez lui, mais il eut une longue conversation avec sa femme. Il lui promit de lui envoyer des bons de médicaments et vit les provisions envoyées par Mrs. Hale un peu gaspillées par les enfants, qui étaient les maîtres dans la salle basse, pendant la maladie de leur mère et l'absence de leur père. Il rapporta chez lui des nouvelles plus consolantes que Marguerite n'avait osé l'espérer. D'après ce qu'elle avait dit la veille, Mr. Hale s'était attendu à trouver les choses dans un état si terrible que par une réaction de son imagination, il les représenta moins tristes qu'elles n'étaient réellement. « Mais j'y retournerai, afin de voir Butcher lui-même, » dit-il. « Je n'y comprends rien. On voit dans ces maisons des meubles tels que nos laboureurs de Halstow ne songeraient jamais à acheter. » Et ces ouvriers mangent habituellement des choses qu'ils regarderaient eux comme du luxe. Et cependant, ces familles paraissent n'avoir pas de ressources. Lorsque les salaires sont suspendus pendant quelques jours, il est nécessaire à Milton de considérer les choses sous un autre point de vue, sans quoi on risquerait de se tromper. Bessie, elle aussi, était mieux portante ce jour-là. Néanmoins, elle était si faible qu'elle paraissait avoir tout à fait oublié son désir de voir Marguerite habillée, si tant est que ce désir n'eût pas été le reflet d'un état de fièvre et presque de délire. Marguerite ne put s'empêcher de comparer cette toilette qu'elle faisait pour aller où elle ne se souciait pas de se rendre, et au moment où son cœur était agité de mille anxiétés, avec les toilettes si gaies et si folles qu'elle faisait en même temps qu'Edith un an seulement auparavant. Le seul plaisir qu'elle trouva maintenant à s'habiller, c'était la pensée de celui qu'éprouvait Mrs. Hale en la voyant parée. Elle rougit lorsque Dixon, ouvrant les deux battants de la porte du salon, fit un appel à l'admiration de la famille. « Miss Hale est fort bien ainsi, madame, ne trouvez-vous pas ?»« Les coraux de Mrs. Shaw ne pouvaient venir plus à propos. Ils relèvent le teint de Miss Marguerite, qui sans cela eût été trop pâle. » Les cheveux noirs de Marguerite, trop épars pour être nattés, étaient tordus autour de sa tête en forme de couronne et retenus par deux longues épingles de corail. Ses manches de soie blanche étaient relevées par des cordons de perles de la même pierre, et un collier de corail entourait son cou magnifique. « Oh, Marguerite, que j'aurais de plaisir à te conduire dans les réunions comme autrefois Lady Burstford m'y conduisait moi-même. » Marguerite embrassa sa mère pour cette petite bouffée de vanité maternelle, mais elle ne put sourire tant elle se sentait triste. « J'aimerais mieux rester ici avec vous, bien mieux, maman, je vous assure. »« C'est absurde, cher ami. Fais bien attention au dîner, au second service surtout. » « Je suis curieuse de savoir comment on fait les choses à Milton et par quoi on remplace le gibier. » Mrs. Hale aurait en vérité été fort étonnée, si elle eût pu voir la somptuosité de la table de Mrs. Thornton. Marguerite, avec son goût délicat, sentait que le nombre des mets recherchés était presque ridicule. La moitié eût largement suffi, et l'effet en eût été plus élégant et plus léger. Mais c'était une des maximes d'hospitalité de Mrs. Thornton qu'il eut assez de chaque mets pour que tous les convives en eussent leur part, s'il leur plaisait. Elle était d'une sobriété excessive dans ses habitudes de chaque jour, mais elle mettait son orgueil à offrir à ses hôtes un festin magnifique. Son fils partageait ce sentiment. Il n'avait jamais connu, bien qu'il eût été fort capable d'en jouir, d'autres rapports de société que ceux qui consistaient dans l'échange de repas somptueux. Et en ce moment même, où il se serait reproché de dépenser inutilement 50 centimes, et bien qu'il eût regretté que les invitations pour ce dîner eussent été envoyées, du moment où la fête avait lieu, il était bien aise que ce fût avec la magnificence accoutumée. Marguerite et son père arrivèrent les premiers. Ils ne trouvèrent dans le salon que Mrs. Thornton et Fanny. Toutes les housses avaient été retirées. On voyait dans tout leur lustre les meubles de damas jaune et le tapis aux couleurs brillantes. La pièce était remplie d'ornements, à ce point que l'œil en était fatigué, et elle présentait un contraste étrange avec la vue nue et sombre qu'on avait des fenêtres qui donnaient sur la cour intérieure de la manufacture. « Mon fils a été occupé d'affaires jusqu'au dernier moment. Il sera ici tout à l'heure, Monsieur Hale. Puis-je vous prier de prendre un siège ?» Mr. Hale était debout près de l'une des fenêtres, pendant que Mrs. Thornton parlait. Il se retourna et dit « Ne trouvez-vous pas quelquefois le voisinage de la manufacture désagréable ?» Mrs. Thornton se redressa. « Jamais. Je ne suis pas devenue si grande dame que je désire oublier la source du pouvoir et de la fortune de mon fils. En outre, il n'y a pas, dans tout Milton, une manufacture semblable à celle-ci. Une seule des pièces à 220 mètres carrés. Je voulais seulement dire que le bruit, la fumée, les allées venues continuelles des ouvriers pouvaient incommoder. « Oh, je suis de votre avis, Monsieur Hale, » dit Fanny. « On sent continuellement ici l'odeur de la vapeur et de la graisse des machines, et le bruit est réellement assourdissant. » J'ai été souvent assourdi bien davantage par du bruit auquel on donnait le nom de musique. La machine est tout au bout de la manufacture, c'est à peine si nous l'entendons, excepté en été, lorsque toutes les fenêtres sont ouvertes. Et quant au murmure continuel des ouvriers, cela ne me dérange pas plus que ne ferait le bourdonnement d'une ruche. Lorsque, par hasard, j'y fais attention, je pense en même temps à mon fils. Je me dis que tout ce monde dépend de lui et ne vit que par lui. Mais maintenant, on n'entend plus aucun bruit de machine. Les ouvriers ont été assez ingrats pour se mettre en grève, comme vous l'avez sans doute entendu dire. et les affaires même auxquelles j'ai fait allusion lorsque vous êtes entré ont trait aux mesures qu'il est sur le point de prendre pour leur donner une leçon. » Le visage de Mrs. Thornton, sévère en tout temps, exprima une profonde irritation lorsqu'elle prononça ces dernières paroles. L'entrée de Mr. Thornton ne réussit pas à l'éclaircir, car sa mère vit un instant l'anxiété qui pesait sur sa pensée, bien qu'il s'efforçât de faire à ses hôtes un accueil gai et cordial. Il donna donc la main à Marguerite. Il savait que c'était la première fois que leurs mains se rencontraient, bien qu'elle n'y fît pas la moindre attention. Il demanda des nouvelles de Mrs. Hale, et en entendant la réponse pleine de satisfaction de Mr. Hale, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil vers Marguerite. Mais il ne vit rien en elle qui contredît ce que disait son père. Il fut de nouveau frappé de sa beauté. Il ne l'avait pas encore vue en toilette, et cependant, il lui semblait que l'élégance lui seyait si naturellement qu'elle eût dû être toujours vêtue ainsi. Elle causait avec Fanny. Il ne pouvait entendre sur quel sujet, mais il voyait l'agitation continuelle avec laquelle sa sœur arrangeait perpétuellement quelques plis de sa robe, ses yeux errant de tous côtés sans rien observer, et il les comparait avec regret à ses grands yeux, doux et calmes, qui regardaient tranquillement un seul objet et qui semblaient posséder je ne sais quelle influence paisible. La bouche de Marguerite était entr'ouverte, par l'intérêt avec lequel elle écoutait ce que lui disait sa compagne, sa tête légèrement penchée en avant, de manière à décrire une courbe harmonieuse depuis le sommet, où la lumière effleurait ses cheveux noirs et lisses comme l'aile d'un corbeau, jusqu'à son épaule d'ivoire. Ses bras ronds et blancs et ses mains délicates étaient légèrement croisées, mais parfaitement immobiles dans leur gracieuse attitude. Mr. Thornton soupira en embrassant tout cela d'un seul coup d'œil. Puis il tourna le dos aux jeunes personnes et se jeta, non sans effort, mais de toute son âme, dans une longue conversation avec Mr. Hale. Un grand nombre de personnes arrivèrent successivement. Fanny quitta Marguerite et alla aider sa mère à recevoir ses hôtes. Mr. Thornton sentit que Marguerite était seule et devint agité et mal à l'aise à la pensée qu'elle était ainsi négligée. Il ne s'approcha pas d'elle, il ne regarda pas de son côté, et néanmoins il savait ce qu'elle faisait ou ne faisait pas. Il connaissait tous ses mouvements mieux que ceux de qui que ce fût dans le salon. Marguerite était si peu occupée d'elle-même et s'amusait si bien à regarder les autres personnes qu'elle ne s'aperçut seulement pas qu'on ne s'occupait pas d'elle dans le moment. Quelqu'un lui offrit le bras pour aller dans la salle à manger. Elle n'entendit pas le nom de son guide, et d'ailleurs, il semblait peu disposé à lui parler. Une conversation très animée avait lieu entre les hommes. Les dames, pour la plupart, gardaient le silence, passant le temps à prendre mentalement des notes sur le dîner et à critiquer leur toilette mutuelle. Marguerite parvint à saisir le fil de la conversation générale. Son intérêt fut éveillé et elle écouta attentivement. Mr. Hawthorne, l'étranger dont la visite à Milton était la cause première de la réunion, prenait des informations au sujet du commerce des manufactures du pays, et les autres convives, qui tous étaient de Milton, lui donnaient des explications. Une discussion très vive s'éleva sur un point. On en référa à Mr. Thornton, qui avait à peine parlé jusque-là, mais qui émit une opinion si fortement motivée, que les opposants eux-mêmes s'y rendirent. L'attention de Marguerite fut ainsi appelée sur son hôte. Ses manières comme maître de maison étaient si franches, si simples, si modestes. Marguerite pensa qu'elle ne l'avait jamais vu si fort à son avantage. Chez elle, il lui semblait toujours ou trop empressé, ou trop prêt à se croire mal jugé et à s'en offenser. Mais ce soir-là, au milieu des siens, sa position n'avait rien d'incertain. Il était regardé par tous comme un homme d'une grande force de caractère, et d'une grande capacité. Ils n'avaient besoin d'aucun effort pour obtenir leur respect. Ils l'avaient, et ils le savaient, et cette sécurité donnait à son ton et à ses manières une dignité calme qui lui avait jusqu'alors manqué aux yeux de Marguerite. Il n'avait pas l'habitude de parler aux femmes, et par suite il le faisait avec quelque roideur. À peine adressa-t-il la parole à Marguerite. Néanmoins, elle fut surprise du plaisir qu'elle trouva à ce dîner. Elle en savait maintenant assez pour comprendre plusieurs intérêts locaux, et même la plupart des mots techniques qu'employaient les ardents manufacturiers. Elle prenait en elle-même un parti très décidé au sujet de la question qu'ils discutaient. Dans tous les cas, il causait avec un sérieux, une franchise, un intérêt passionné, et non pas dans le style de convention qui l'avait tant ennuyée dans les réunions de Londres. Elle remarquait avec étonnement que dans toute cette conversation sur les manufactures et le commerce du pays, on ne faisait aucune allusion à la coalition actuelle. Elle ne savait pas encore avec quelle tranquillité les maîtres envisageaient ces sortes de choses, qu'ils savaient ne pouvoir se terminer que d'une seule manière. Sans doute, les ouvriers se coupaient la gorge à eux-mêmes, comme ils l'avaient déjà fait plus d'une fois. Mais puisqu'il leur plaisait de se conduire en insensé et de se mettre entre les mains d'une douzaine de coquins payés qu'ils nommaient délégués, ils devaient en subir les conséquences. Quelques-uns des manufacturiers trouvèrent que Thornton avait l'air triste. Cela était naturel, car cette coalition lui causerait certainement des pertes. Mais c'était là un accident qui pouvait leur arriver chaque jour à eux-mêmes, et Thornton était plus capable que qui que ce fût de venir à bout d'une coalition, car il était l'homme le plus ferme et le plus déterminé de Milton. Les ouvriers avaient mal connu leur homme, puisqu'ils essayaient de ces manœuvres-là avec lui. Et il souriait en haussant les épaules de ce que les ouvriers avaient espéré faire changer un iota de ce qu'il avait décidé. Après le dîner, Marguerite trouva le salon un peu triste. Aussi fut-elle bien aise lorsque les messieurs remontèrent, non seulement parce qu'elle rejoignit son père, mais parce qu'elle put donner son attention à quelque chose de plus intéressant qu'aux frivolités mesquines qui avaient occupé les dames. Elle se plaisait à entendre ces hommes de Milton triompher dans le sentiment de leur puissance. Sans doute ce sentiment avait quelque chose d'excessif et ressemblait quelquefois à de la vanterie. Mais cependant, il semblait braver les anciennes limites du possible avec une sorte de sublime ivresse produite par la pensée de ce qu'ils avaient fait et de ce qu'ils comptaient faire encore. Dans ces moments de calme, elle n'eût peut-être pas approuvé complètement l'esprit qui les animait. Cependant, il y avait quelque chose digne d'admiration dans leur oubli d'eux-mêmes et du présent, dans ce triomphe sur toutes les résistances de la matière, qu'ils prédisaient hardiment pour un temps qu'aucun d'eux ne devait voir. Marguerite tressaillit en entendant tout à coup Mr. Thornton lui adresser la parole tout à côté d'elle. « J'ai bien vu que vous étiez de notre côté dans la discussion qui a eu lieu pendant le dîner, n'est-ce pas, Miss Hale ?»« Certainement, mais je ne suis pas une bien grande autorité. J'ai été surprise néanmoins d'apprendre, d'après ce que disait Mr. Horsfall, qu'il y avait des gens qui pensaient d'une manière si diamétralement opposée, telle que le Mr. Morrison dont il parlait. Ce ne peut être un gentleman, n'est-ce pas ?»« Je ne suis pas très disposé à décider si un autre est ou non gentleman, Miss Hale. » Je ne comprends pas tout à fait la signification que vous donnez à ce mot. Moi, je dirais que ce Morrison n'est pas un homme véritable. Je ne sais pas qui il est, je ne le juge que d'après ce qu'en dit Mr. Horsfall. Je suppose que mon gentleman comprend votre homme véritable. Et beaucoup plus, à ce que vous pensez sans doute. Je ne suis pas de votre avis. Un homme est à mes yeux un être plus élevé et plus complet qu'un gentleman. Que voulez-vous dire par là ? Demanda Marguerite. Il est probable que nous entendons le mot d'une manière différente. Je crois que le mot gentleman s'applique surtout à une personne à propos de ses relations avec les autres. Mais lorsque nous parlons d'un homme, nous le considérons non seulement dans ses rapports avec ses semblables, mais encore en lui-même, en face de la vie, du temps, de l'éternité. Un personnage complètement isolé comme Robinson Crusoe, un prisonnier enfermé pour la vie dans un donjon, un saint lui-même dans l'île de Patmos, ne peut être mieux défini dans sa patience, son courage et sa foi que par le mot « homme ». Je suis si las de ce mot de « gentleman » qui me semble souvent employé hors de propos, et plus souvent encore dans un sens exagéré, tandis qu'on néglige de se servir du mot simple et expressif « homme » et de l'adjectif « mâle », que je suis tenté de le regarder comme appartenant au jargon du jour. Marguerite réfléchit un moment, mais, avant qu'elle eût pu reprendre la parole, Mr. Thornton fut appelé à l'autre bout du salon par les manufacturiers. Elle ne pouvait entendre ce qu'il disait, mais elle en devinait quelque chose par les réponses claires et brèves de Mr. Thornton, qui se succédaient fermes et résolues comme le bruit régulier de coups de canon lointains. Il était évident qu'on parlait de la grève et de ce qu'il y avait de mieux à faire à ce sujet. On entendit Mr. Thornton qui disait « Cela a été fait ». Puis, un murmure de 3 ou 4 voix à la fois succéda à ces paroles. « Tous ces arrangements ont été pris. » Quelques doutes furent émis, quelques difficultés soulevées par Mr. Hickson, qui prit le bras de Mr. Thornton pour mieux le pénétrer de ses paroles. Celui-ci se dégagea doucement, éleva un peu les sourcils et répondit « Je suis décidé à encourir le risque. Vous n'êtes pas obligé de vous joindre à moi si cela ne vous convient pas. » De nouvelles craintes furent exprimées. « Je ne crois pas qu'il soit assez lâche pour avoir recours à l'incendie. Nous combattons franchement. Et je crois être en mesure de me défendre contre toutes les attaques que je puisse avoir à redouter. Je saurai certainement protéger tous ceux qui voudront me demander de l'ouvrage. Ils connaissent maintenant ma détermination aussi pleinement que vous-même. » Mr. Horsfall prit un instant son hôte à part, à ce que croyait Marguerite, pour lui faire quelques nouvelles questions au sujet de la coalition. Mais en réalité, il ne voulait que savoir qui était cette jeune fille si calme, si digne et si belle. « Est-elle de Milton ? » demanda-t-il lorsqu'il eut entendu son nom. « Non, elle est du Midi de l'Angleterre, du Hampshire, à ce que je crois, » lui fut-il répondu avec froideur et indifférence. Mr. Hickson questionnait Fanny sur le même sujet. « Quelle est cette jeune fille qui a l'air si distinguée ? N'est-ce pas une sœur de Mr. Horsfall ? » ?»« Oh mon Dieu, non ! C'est la fille de Mr. Hale qui cause en ce moment avec Mr. Stephens. Il donne des leçons, il fait des cours pour les jeunes gens. Mon frère va chez lui deux fois la semaine, et il a prié maman de les inviter dans l'intention de le faire connaître. Je crois que nous avons ici de ses prospectus. Si vous voulez, je vous en donnerai un. Quoi ? Thornton trouve le temps de lire avec un professeur au milieu de toutes ses affaires et pendant cette abominable coalition ? Fanny ne distinguait pas si, d'après la manière de parler de Mr. Hickson, elle devait être fière ou honteuse de la conduite de son frère. Et comme tous les gens qui s'évertuent à régler leur manière de sentir sur la pensée des autres, elle était portée à rougir de toute action singulière. La dispersion de la réunion mit fin à son embarras.